Il est 18h passé de quelques secondes et quelques minutes à l'antenne de CKRL 89.1. C'est aussi l'heure de se mettre à table et donc c'est l'heure d'écouter Karine Gravel pour sa chronique nutrition. Donc Karine nous honorait déjà de sa présence la saison passée. Je rappelle que Karine est nutritionniste et étudiante au doctorat en nutrition à l'Université Laval. Est-ce que ces données sont toujours actuelles? Ils sont toujours actuelles. Donc elle nous revient donc cette saison pour de nouvelles découvertes en nutrition et aujourd'hui, elle a choisi de nous parler de l'alimentation intuitive, une alternative aux diètes amaigrissantes. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Alors d'abord, il va falloir que tu nous dises ce que c'est l'alimentation intuitive. Oui, en fait, c'est l'alimentation intuitive, c'est manger seulement en présence de faim. Et c'est aussi s'arrêter de manger quand on se sent rassasié, là, quand on est confortable. Donc, c'est une façon de se nourrir qui aide à établir une bonne relation avec les aliments, puis aussi avec son corps. Donc, pour certaines personnes, c'est tout à fait naturel de manger de cette façon-là et ça n'a absolument rien de spectaculaire. Mm-hmm. Par contre, pour les personnes qui sont préoccupées par les aliments ou par leur poids, les personnes qui suivent des diètes amaigrissantes, là, souvent à répétition, bien, c'est une approche qui est plus difficile à appliquer. Donc, quand on exerce un contrôle excessif sur son alimentation, on a tendance à manger davantage avec sa tête. Donc, c'est quelque chose qui devient très cognitif. Par exemple, on classe les aliments comme étant bons ou mauvais, permis ou interdits. Donc, ça se passe beaucoup dans la tête. Après, bien, on peut ressentir de la culpabilité quand on mange des aliments interdits et tout ça. Donc, à l'inverse, quand on mange de façon intuitive, on a confiance en ses sensations de faim et de satiété pour nous indiquer quand manger et quand cesser de manger. Donc, c'est aussi simple que ça. Et la quantité aussi, peut-être? oui, tout à fait. Et alors, en quoi cette alimentation intuitive, donc basée sur nos sensations, serait une alternative aux diètes amaigrissantes? Mais quand on s'impose des règles alimentaires, comme dans les diètes amaigrissantes, on se fie à des règles qui sont externes à notre corps pour réguler nos apports alimentaires. Donc, par exemple, ça peut être des portions qui sont mesurées, des calories qui sont calculées, qui nous indiquent quoi manger, quelle quantité est acceptable de manger. Donc, c'est extérieur à notre corps, finalement. Avec l'alimentation intuitive, c'est différent puisqu'on se fie à des signaux internes à notre corps, donc nos propres sensations de faim et de satiété. Donc, c'est nous qui devenons l'expert sur la quantité, le moment où on doit manger et le choix de nos aliments. Donc, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est intéressant parce que pour certaines personnes qui se seraient éloignées de cette façon-là de manger, donc réapprendre à manger intuitivement, ça transforme leur alimentation, puis un peu plus que ça même, même la qualité de vie des fois. Donc, au lieu d'être en guerre avec les aliments interdits, manger intuitivement, ça devient une façon qui est agréable de nourrir son corps. Donc, l'objectif de l'alimentation intuitive, finalement, à long terme, c'est aussi de favoriser la santé, une meilleure santé. Oui, exactement. C'est global. Hein. C'est vraiment une façon plus globale de voir les choses. Donc, on mesure le résultat de l'alimentation intuitive par tout le processus qui entoure sa façon de manger, pas seulement sur le résultat final d'une perte de poids, comme dans le cas d'une diète, par exemple. Et d'ailleurs, dans l'alimentation intuitive, on reconnaît qu'on peut être en bonne santé, peu importe son poids corporel. Donc, on va vraiment travailler les habitudes de vie. OK. Ouais. Donc, ça, c'est une façon positive de manger. Est-ce que des effets positifs de l'alimentation intuitive ont été démontrés scientifiquement? Oui, oui. Donc, ça, c'est une approche qui est née là, en Californie durant les années 90. Puis, depuis ce temps-là, il y a quelques études là, qui ont été faites pour mesurer ces effets. Donc, en résumé, les résultats de recherche ont montré que plus on mange de façon intuitive, moins on a de risque d'avoir des symptômes de désordre alimentaire, moins on est insatisfait de son corps, moins on ressent de la pression en lien avec la minceur et moins notre indice de masse corporelle tend à être élevé. Donc, ça, c'est déjà de très bonnes nouvelles. Ça, c'est important parce que, bon, après, insatisfait de son corps ou pas, c'est une chose, puis mais il y a un résultat vraiment, l'indice de masse corporelle qui diminue. Qui tend à être moins élevé, c'est ça. Ouais. Donc, aussi, là, plus on mange intuitivement, plus on évalue son niveau de bien-être général à la hausse. Donc, c'est pas juste une question d'assiette, de poids, hein, c'est plus que ça, c'est vraiment l'image corporelle, c'est vraiment comment on se sent. Un bien-être intérieur, exactement. Finalement. Exactement. Et si on s'est éloigné de l'alimentation intuitive, parce que bon, on a tellement d'images qu'il faut manger ceci en telle quantité, que ça c'est pas bon, etc., qu'on a perdu cette façon de manger, comment on peut renouer avec cette façon de manger? Mais les deux nutritionnistes et auteurs de l'alimentation intuitive, qui sont Evelyne Tribol et Elise Reich, proposent 10 principes pour manger intuitivement. Donc, je vais vous les expliquer sommairement. Donc, c'est assez concret. Donc, d'abord, rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui créent de faux espoirs. Donc, comme je le disais plus tôt, les diètes amaigrissantes nous indiquent souvent quand et quoi manger. Donc, on décide à notre place. Mm-hmm. Alors qu'avec l'alimentation intuitive, c'est nous l'expert pour savoir quoi, quand, quelle quantité manger. Et tous les aliments sont permis aussi. Il n'y a pas d'interdit dans cette façon-là. Est-ce que ça peut pas amener à des abus? Tout est permis, toutes les quantités sont permises. Donc, finalement, je peux m'autoriser n'importe quoi? Si on sent que, justement, on peut s'autoriser n'importe quoi, c'est probablement que le contrôle qu'on exerce sur son alimentation à la base est excessif. Ah, si on tente de trop contrôler, ben c'est l'inverse qui arrive. Mm-hmm. Mais à la base, si on n'a pas cette pression-là, on n'est pas attiré nécessairement à faire des abus là, d'aliments particuliers puisqu'ils sont permis, justement. Mm-hmm. Par contre, si quelqu'un s'est privé pendant un certain temps et qui tente d'adopter ce type d'alimentation-là, ça se peut qu'il y ait des abus. Mais au départ, c'est quelque chose qui peut arriver, mais avec le temps, ça rentre dans l'ordre. Donc, le deuxième principe, c'est honorer sa faim lorsqu'elle est modérée. Donc, ressentir la faim, c'est une façon pour notre corps de nous indiquer qu'on a besoin de se nourrir. Donc, si on attend d'être affamé avant de manger, donc on risque de manger au-delà de nos besoins, manger trop vite, d'être moins à l'écoute à ce moment-là. Donc, pour certaines personnes, ressentir la faim, c'est plus difficile. Des fois, on s'est éloigné de l'écoute de cette sensation-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se réapprend avec des efforts et avec du temps aussi, de se donner du temps. Ensuite, le troisième principe, se permettre de manger tous les aliments souhaités. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, le fait de s'interdire certains aliments, ça peut conduire à la suralimentation. Avec l'alimentation intuitive, on se donne la permission inconditionnelle de manger, bien sûr en présence de faim, puis l'aliment qui est souhaité sans discrimination. Puisque tous les aliments sont permis, ben on risque moins là, d'être obsédé envers certains aliments qui sont souvent sucrés ou gras et salés. C'est les aliments là, dont on a tendance à abuser et ceux dont on se prive le plus quand on veut perdre du poids, normalement. L'autre principe, c'est cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. On devrait aussi cesser de se juger comme étant bon ou mauvais nous-mêmes en fonction de ce qu'on mange. Donc souvent, après avoir suivi des diètes amaigrissantes, on se trouve bon quand on mange un minimum de calories, puis on se trouve mauvais quand on mange du dessert ou des aliments interdits. Donc cesser de porter des jugements comme ça. Et culpabilité après. Exactement. Ouais. Fait qu'on s'en sort pas rendu là. Cinquième principe, considérer sa sensation de satiété pour savoir quand cesser de manger. Donc, un peu comme la faim, là, on va viser une sensation de satiété qui est modérée pour s'arrêter de manger. Avec ce type d'alimentation intuitive, on apprend à être plus à l'écoute du moment où on se sent confortable. Pas trop rempli, mais juste bien. Donc, généralement, cette sensation-là, elle est plus difficile à reconnaître que la sensation de faim. Donc, on peut s'aider en étant plus attentif au plaisir qui diminue à mesure que le repas avance. Donc, ça aide à voir. Les premières bouchées sont toujours meilleures au départ. Oui, c'est vrai. Mais il y a un mot que tu dis, tu l'as dit. Aussi bien pour la sensation de la faim que pour la satiété, c'est modéré. Oui. Oui, donc ça a peut-être une importance là, de manger dès qu'on a une faim modérée, pas attendre qu'on a trop tard, que ce soit trop tard, et s'arrêter de manger quand il y a une satiété, donc pas attendre qu'on soit déjà le ventre gonflé. Oui, trop rempli, c'est ça, exactement. On vise vraiment... Ça demande quand même un certain contrôle de soi, de ne pas être hypocrite non plus envers soi-même, peut-être. Mais généralement, on tente le plus possible de viser le niveau modéré pour les deux. Bon, des fois, ça peut arriver qu'on dépasse ou qu'on... Mais généralement... Pas se mentir à soi-même. Exactement, mais c'est pas une nouvelle diète amaigrissante. C'est pas quelque chose qui est strict. C'est quelque chose qu'on tente d'adopter le plus souvent possible, puis... Pour un bien-être général. Oui, exactement, exactement. Donc, si on enchaîne avec le prochain principe, découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Donc, se nourrir, ça doit être une expérience plaisante et satisfaisante. Le plaisir puis la satisfaction ressentie, ça aide aussi à se rendre compte si on a assez mangé. Donc, par exemple, des exemples pour que ce soit agréable, prendre le temps de mettre la table, se préparer une belle assiette ou partager son repas avec d'autres personnes. Bref, faire accompagner le repas de choses là qu'on aime. Ensuite, vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture. Donc, dans l'alimentation intuitive, manger, c'est un plaisir, mais ça ne devrait pas être notre principale ou notre seule source de plaisir dans la vie. Si c'est le cas, c'est important de trouver d'autres façons là, de vivre ces émotions qui ne sont pas liées à la nourriture. Par exemple, si on se sent seul ou anxieux, au lieu de manger, on peut faire autre chose, parler à un ami, prendre une marche, faire un autre type d'activité à ce moment-là. Le huitième principe, respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Donc, j'aime bien l'image suivante. Donc, si notre pointure de chaussure, c'est du 8, on ne peut pas espérer porter du 5. Mm-hmm. OK? Donc, on doit faire la même chose avec son format corporel. Il faut accepter son corps dans sa forme actuelle. Donc, si nos attentes sont irréalistes envers notre corps, donc on désire un format corporel qui est trop loin, par exemple, de celui qu'on a, ça devient difficile de rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes, là, qui est le premier principe, parce qu'on espère toujours atteindre un poids qui est réaliste. Donc, on est toujours insatisfait, finalement. Mm-hmm. Neuvième principe, être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids. Donc, si on fait du sport juste pour brûler des calories, hein, on entend souvent cette expression-là, ça risque fort bien de devenir une corvée. Avec l'alimentation intuitive, on reste à l'écoute de ce qu'on ressent pendant l'exercice physique et on identifie des activités qui nous plaisent. Hein? On veut toujours être heureux. Donc, ça peut être de la marche, la danse, le vélo, jouer avec les enfants, faire du jardinage. Donc, on adapte avec ce qu'on aime. Puis, on retient qu'on bouge parce que c'est agréable puis ça nous fait du bien. Mm-hmm. Et le dernier principe, le dixième, donc c'est honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés. Donc, avec l'alimentation intuitive, on est attentif à la saveur des aliments, hein, on déguste, puis à la manière dont notre corps se sent quand on les mange. Okay? On doit se souvenir qu'on n'a pas besoin de manger parfaitement là, pour être en bonne santé, d'avoir mm-hmm. un régime strict. Hein. On n'aura pas une déficience en vitamines et minéraux ou on ne prendra pas du poids à cause d'un repas ou d'une journée où on a moins mangé sainement qu'on avait prévu au départ. C'est pas ça qui va tout briser nos habitudes. Là, qu'on a habituellement, finalement. Mmh. C'est une approche intéressante parce que, finalement, dans plusieurs des principes, elle nous demande d'être à l'écoute de notre corps, donc de retrouver notre corps, de reprendre contact avec notre corps. Exactement. Donc, aussi bien pour savoir quand est-ce qu'on a faim, puis quand est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on mange parce qu'on a faim ou est-ce qu'on mange parce qu'on a envie de manger? Oui, c'est différent. Des fois, un petit peu différent. Des fois, c'est difficile à reconnaître aussi pour certaines personnes. Il faut voir. Des fois, on a envie de manger parce que finalement, parce qu'on est stressé. Ouais. On a envie de manger parce que c'est une pause dans le travail. On a envie de manger pour toutes sortes de raisons, pas forcément parce qu'on a faim. Ouais. Parce que c'est l'heure, exactement. Ça, c'est une façon automatique de manger. Des fois, on n'a pas le choix. Hein. On a des contraintes, mais c'est intéressant de faire l'exercice, par exemple, entre la semaine et la fin de semaine. Souvent, nos horaires sont différents parce qu'on n'a pas... C'est moins rigide. Là, fait qu'on peut voir à ce moment-là qu'il y a des changements. Ouais. Reconnaître la satiété aussi, je trouve ça intéressant. Puis, prendre bouger aussi l'activité physique par plaisir. Oui. Donc, en fait, tout ça, c'est de retrouver, de se remettre à l'écoute de notre corps. Oui, puis si c'est fait par plaisir, ça risque d'être quelque chose qui est adopté à long terme. Qui va revenir, c'est ça qu'on veut. Hein, ouais, parce que souvent, avec les diètes, on sait, c'est à court terme. Puis si on fait du sport seulement pour brûler les calories, puis on y va de façon très intense, puis on n'est pas nécessairement très heureux, souvent, l'abonnement se termine avant le temps. La bonne volonté, la bonne... Oui, on vise vraiment du long terme. Puis d'être à l'écoute, puis d'être heureux, finalement. Oui, c'est ça, mm-hmm. ça, exactement. Ouais. C'est d'être bien avec soi-même. Oui, voilà. Donc, c'est une approche bien dans son assiette. Bien dans son assiette, comme dirait... Radio-Canada. Oui, c'est ça. merci beaucoup, Karine. C'était merci une vision intéressante. Merci beaucoup. Puis, on va poursuivre par une petite pause musicale, tout en restant à l'écoute de CKRL au 89.1.